À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le comité hongrois pour le souvenir du président Kim Il-sung a présenté le 30 juin dans le journal Szabadság et dans le homepage d'Internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung. Le renforcement du parti et l'accroissement de son rôle dirigeant constituent la garantie fondamentale de la victoire de la révolution. Et l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple.